1. Ouais, ça marche. Ouais. Ok. Bon, matériel tout neuf. Super. D'accord, super, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. D'abord, je suis vraiment très content de participer à Debout Éducation Populaire. Je viens assez régulièrement sur la place, je m'appelle Yves, donc je n'en dirai pas plus, puisque le principe est de ne pas dire plus. voilà. Et justement, j'apprécie beaucoup cette manière de venir remettre en question les choses sur la place, dans l'échange avec tout le monde. Et c'est un peu de ça dont je vais parler d'ailleurs, à la fois dans l'histoire et dans le présent. L'intervention s'appelle « Le mouvement des places ». Dans le monde, depuis 68 jusqu'aux années 2010 compris, est-ce qu'on est vers une foule 100 mètres? Alors je vais expliquer, je raconterai un peu pourquoi, j'aimerais dire aussi que je me suis baladé ces dernières années, pas simplement en France, mais dans d'autres pays comme la Russie, le Brésil, l'Ukraine. Et j'ai participé ou j'ai observé, vu, interrogé des mouvements et des gens qui participaient, etc. Donc voilà. Et cette intervention, en fait, par-delà. Et il me semble que Nuit Debout, si vous voulez, ça fait partie d'une série de mouvements sans parti et sans leader. On en a parlé beaucoup de fois à Nuit Debout même, dans l'Assemblée, dans des commissions, etc. Mais des mouvements qui se sont donc développés en particulier depuis les années 90 et depuis le Forum social mondial de Porto Alegre en 2001. Et ce mouvement de Nuit Debout ressemble évidemment à des mouvements plus récents comme les Indignados de la Puerta del Sol qui se sont lancés en 2011 et les mouvements Occupy. Mais ce qui m'a intéressé ces dernières années, c'est pas simplement ces mouvements des places, ces mouvements qui se sont installés sur des places, parfois pour des mois, sinon pour des années, et des mouvements des places aussi, mais beaucoup plus ponctuels, comme il y en a eu à Tunis à partir de 2010, décembre 2010, en Égypte évidemment, Istanbul, ou à Kiev, le mouvement de Maïdan, ou celui du Brésil, le mouvement les journées de juin 2013. Ils avaient des particularités quand même, ces mouvements. Je regarde l'heure pour pas dépasser les 20 minutes. C'est que ils se caractérisaient pas simplement par le fait qu'ils étaient sur des places, mais par le fait qu'ils rassemblaient des foules vraiment gigantesques, et souvent des millions de gens. Deuxième caractéristique qui me semble très importante, c'est qu'ils n'étaient pas simplement la mise à l'épreuve de la démocratie sur la place, d'une nouvelle expérimentation démocratique sur la place, dans l'échange entre les personnes, en tant que personnes, à égalité entre toutes les personnes, mais qu'ils avaient des objectifs extrêmement délimités, que la place discutait elle-même, que la place définissait elle-même dans une délibération publique prolongée, et c'est le cas de Dégage Ben Ali en Tunisie, ou Dégage Moubarak en Égypte, ou de... ça se disait pas comme ça, mais Dégage Yanukovych aussi en Ukraine au début de 1914, ou même des exigences plus limitées, pas seulement Dégage le président, mais une exigence plus limitée comme le, préservons le parc Gezi du commerce, ou pas d'augmentation du prix des transports au Brésil. Ça paraît tout petit, le pas d'augmentation du prix des transports au Brésil, refus de 20 centimes d'augmentation du prix du bus, mais ça a provoqué les mouvements de rue les plus importants que le Brésil a connus dans toute son histoire. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc on a deux familles finalement de mouvements sans parti et sans leader, des familles très très proches les unes des autres, mais qui ont quand même quelques petites caractéristiques qui les distinguent. Et donc je vais plutôt parler de cette deuxième famille, celle des mouvements ponctuels, celle des mouvements qui rassemblent des centaines de milliers, des millions de gens pour un objectif bien défini. Alors évidemment, ça rappelle... 68, si on essaye de faire une histoire de tout ça, 68 marque un moment extrêmement fort. Alors évidemment, le mouvement de mai, hein, de mai 68 en France, le mouvement, mais pas seulement le mouvement de mai 68 en France. 68, c'est les années 68 et les années 68 dans le monde. Dans le monde occidental, hein, la France, l'Italie, l'Allemagne, hein, le mouvement anti-autoritaire en Allemagne a été très important. Mais aussi en Amérique latine, en Argentine, ou en Europe de l'Est, l'Europe socialiste, dite socialiste et populaire, hein, en Pologne, en Tchécoslovaquie, etc. Donc 68, c'est les mouvements 68 aussi. Et alors, simplement, l'expérimentation, l'expérience française était extrêmement intéressante parce que c'était un mouvement vraiment autonome, hein. Qui n'avait pas de leader, hein, même Cohn-Bendit, avant qu'il soit expulsé, qu'il doive rester en Allemagne, ça n'avait pas été le leader de 68. Ça a été un mouvement qui s'est déterminé tout seul. Et d'ailleurs, il y a si on peut dire, il y a une preuve, c'est-à-dire que il y a un moment, le 24 mai 68, le Parti socialiste a voulu, la politique française était complètement paralysée. Le Parti socialiste a cru possible de gérer le mouvement et de faire en sorte qu'il aille derrière les dirigeants du Parti socialiste. Et ils ont rassemblé un immense meeting place au Stade Charletti, la porte de Gentilly, le 24 mai. Et il y avait Mitterrand, il y avait Pierre Mendès France, etc. Mais il y avait un absent, c'était le mouvement de 68. Le mouvement de 68 n'a pas répondu à l'appel du parti politique, si vous voulez. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'était un acte un petit peu de refus, mais un acte de refus qui a constitué justement, ou qui a contribué à constituer, autant que les barricades, autant que les autres formes de bataille, si vous voulez, à constituer mai 68 comme mouvement autonome. Voilà, donc, alors, il y a quand même une rupture historique entre 68 et les mouvements de ces dernières années, si vous voulez. Moi, la manière dont je rupture, c'est que, à l'époque, on croyait encore à la révolution. On croyait encore à la révolution socialiste, mais à une révolution qui soit meilleure que celle d'avant, hein, meilleure que la révolution soviétique, meilleure que même que la révolution chinoise. Bon, moi j'étais maoïste, hein, mais je croyais encore à la révolution chinoise, mais je pensais qu'on allait expérimenter une nouvelle forme de révolution qui serait meilleure que toutes les autres, etc. Et là, je pense qu'on n'est plus vraiment là. Il y a quelque chose d'autre qui se cherche et qui vient de l'échec, finalement, des révolutions socialistes et communistes du XXe siècle. Hein. Il y a quelque chose qui se cherche dans ces expérimentations, dans ces mouvements des places de ces dernières années. Les organisations étaient présentes aussi dans le mouvement de 68. Hein. Il y avait des organisations qui, elles-mêmes, même si elles avaient une politique anti-autoritaire, si elles étaient contre l'autorité dans les usines, dans la politique, ou même dans l'éducation, dans la famille, etc., hein, eh bien, elles-mêmes, elles étaient souvent des organisations extrêmement autoritaires, extrêmement verticales. Hein, et donc là aussi ça a changé, hein, maintenant c'est plus supportable, quoi, justement c'est un des trucs qui définit un mouvement comme Nuit Debout, ou les mouvements dont je parle, c'est le refus de ce genre d'organisation verticale pour diriger un mouvement populaire, quoi, pour être se mettre comme ça, s'installer à la tête d'un mouvement populaire. Alors, ce qui s'est passé avec les mouvements des années 2010, c'est que ils se sont retrouvés sans leader, mais sans l'avoir cherché, d'une certaine manière. C'est un peu ce qui s'est passé en Tunisie. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais au départ, quand les participants du mouvement de Tunis, en décembre 2010, étaient interrogés, ils disaient, bah oui, voilà, on est sans leader, mais voilà ce qu'on veut, etc. Voilà ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés sans leader, et puis ils ont fini par l'affirmer. Par y trouver un atout, un avantage, une qualité très forte, c'est-à-dire qu'ils l'ont revendiqué. Ce qui a été d'ailleurs la même chose juste après dans le mouvement de la place Tahrir en Égypte, qui s'est revendiqué du mouvement tunisien et de cette même caractéristique. Même si en Tunisie, ce mouvement sans leader, qui était le mouvement véritablement populaire, le mouvement qui était vraiment fort, il n'a pas été dans le refus total de discuter avec les démocrates classiques, les syndicats, etc. Alors, il y a aussi l'exemple du Brésil en 2013, qui est un exemple extrêmement intéressant, parce que, alors, il faut voir que tous ces mouvements, évidemment, ils ont tous leurs particularités, leurs singularités, leurs détails, qui en font des choses totalement singulières. Mais on peut quand même les comparer, mais en s'intéressant aussi à ce qui les constitue individuellement. Le mouvement du Brésil qui démarre en juin 2013, c'est un mouvement qui a été lancé par une organisation. Hein, ça a été lancé par une organisation qui s'appelle Movimento Passe Livre, c'est-à-dire le mouvement pour le transport gratuit. Mais c'est un mouvement qui existait dans plusieurs villes du Brésil depuis déjà une dizaine d'années avant, mais qui se définissait lui-même comme ils le disaient eux-mêmes, hein, horizontal, autonome, indépendant et non partisan. En précisant qu'ils n'étaient pas non plus anti-partisans, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas non plus forcément contre les partis, à condition que les partis ne soient pas présents en tant que tels dans le mouvement. Hein, ce qui était un truc vraiment intéressant. Autre chose qui a été intéressant dans ce mouvement MPL, c'est toute la réflexion qu'il a eue parce qu'il s'est retrouvé justement à la tête d'un mouvement gigantesque au Brésil, un mouvement de plusieurs millions de personnes, etc. C'est cette idée de c'est pas parce qu'on on a lancé cette chose-là qu'il faut qu'on cherche à garder le contrôle. Donc c'est cette idée, il faut qu'on perde le contrôle. C'est cette idée de la perte de contrôle. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une vraie invention. C'est une vraie invention pour des gens qui sont des activistes, qui sont des gens de mouvement, etc. Cette idée que nous ne devons pas chercher à garder le contrôle, nous devons chercher à perdre le contrôle. Et voilà, donc le Brésil, c'était plein de choses. La place Maïdan en Ukraine, ça a été aussi un mouvement assez extraordinaire, parce que pendant 3 mois, hein, entre décembre et février, décembre 2013, février 2014, sur la place, ce qui est une place aussi vaste que celle-là, hein, avec un prolongement, avec des avenues encore plus larges que celle-là, eh bien, il y avait... il pouvait y avoir des centaines de milliers de personnes qui se réunissaient, mais en plus, en permanence, il y avait des tentes partout, et des tentes qui accueillaient des gens venus de toutes les villes d'Ukraine. Ça a été un espèce de chaudron entre différentes classes, entre différentes opinions, entre différents âges, entre différentes couches sociales, et entre différentes régions, absolument extraordinaire. Et c'est... Moi, je suis allé enquêter sur Maïdan pour comprendre qu'est-ce qu'avait fait la force du mouvement de Maïdan. Il faut voir qu'en février, et ça va être la fin du mouvement, mais sa victoire aussi, en février, le mouvement de Maïdan fait face à des snipers qui sont sur les toits, hein, imaginez des snipers sur les toits, en train de tirer sur la foule. Et une chose incroyable, c'est que la foule ne se retirait pas. Enfin, elle reculait, mais elle revenait. Et donc il y avait une force inouïe. Et bon, il y a eu 120 morts, hein, dus aux snipers, hein, sur Maïdan. Qu'est-ce qui avait fait la force de cette foule, si vous voulez, qui, à la fin de la journée, finalement, a gagné, puisque le président a démissionné, il est parti en Russie, il s'est enfui. Et bien, c'est justement ces 3 mois passés sur la place, dans ces échanges, des échanges qui pouvaient passer simplement par le fait d'organiser la bouffe, d'organiser les soins, hein, on est en plein hiver, un hiver très très froid, organiser l'autodéfense aussi, avec des tas d'activités qui faisaient le lien, qui construisaient le lien entre toutes ces personnes aussi différentes, etc. Et donc, si vous voulez, la démocratie directe, la force d'expression directe de la place, s'est constituée dans la multiplicité de ces échanges. Y compris d'ailleurs, par exemple, il y avait une dimension d'assemblée, non pas sur l'ensemble de la place, mais d'assemblée un peu comme Nuit Debout, mais des étudiants, hein, ils ont tenu une assemblée pendant à peu près 2 mois comme ça, et il y a eu évidemment une université populaire, bibliothèque ouverte, etc. Bon, il y avait une tonne d'activités comme ça qui contribuaient à animer la place, etc. Bon. Alors, avec une relation assez intéressante avec le fait d'être sans leader, c'est-à-dire que eux-mêmes ils ont découvert qu'ils étaient sans leader, un peu comme la Tunisie. Ils l'ont découvert, et même sans l'avoir cherché, mais ils ont récusé. Il y avait des leaders qui cherchaient à s'installer sur la place comme leader, ils les ont refusés. Et même à un moment, un soir, dans une des réunions de la place, ils ont crié « Lidera, lidera », ce qui veut dire en ukrainien, en empruntant le mot de leader, « des chefs ». C'est-à-dire cette place qui se conduisait sans chef, eh bien, réclamait des chefs. Et il a fallu que les gens de la scène leur disent « Mais écoutez, vous n'en avez pas. Vous êtes sans chef. » Donc voilà, c'est une caractéristique aussi de ces mouvements qui fait que ces mouvements sont une découverte. Une découverte que fait le peuple en s'instaurant comme peuple, comme disait Jean-Jacques Rousseau, par un acte qui est l'acte de la place, par la place, sur la place. Donc c'est une découverte, et ça veut dire, et ça a à mon avis une profonde signification, y compris pour nous sur Nuit Debout, c'est que dans ces mouvements et dans leurs caractéristiques assez nouvelles, on est au début d'un processus. On est un processus qui s'expérimente et qui prendra sa forme, des formes très variées, des formes pas d'ailleurs des formes stables. Hein. Je pense pas que d'ailleurs il faille attendre des formes stables, parce que si on attend des formes stables, on retombe assez facilement sur la forme partie. Hein. Alors ça, c'est évidemment, ça pose beaucoup de questions. Ces mouvements dont j'ai parlé, Istanbul, Tunis et même l'Égypte. L'Égypte, hein, y a eu le mouvement. Oui, alors Podemos, c'est un autre cas. C'est-à-dire qu'il y a eu là. Podemos, c'est plutôt du genre Nuit Debout, c'est-à-dire une grande expérience de plusieurs mois, etc., sans un objectif extrêmement précis, comme les mouvements dont je parle, si vous voulez, et qui débouche d'ailleurs sur la création d'un parti. C'est les indignados d'Espagne. Donc je parle là d'un autre type de mouvement qui justement a des objectifs très précis et qui les réussit, qui les gagne. Ils ont viré Ben Ali, ils ont viré Moubarak, ils ont viré Yanukovych, ils ont préservé le parc Gezi, ils ont empêché l'augmentation des prix du transport au Brésil, etc., etc. Je pourrais prendre d'autres exemples en Bulgarie ou à Taïwan ou dans d'autres pays ou au Burkina Faso par exemple, aussi en Afrique. Je veux dire que ce type de mouvements sont dans tous les continents, ils sont dans l'Europe orientale, l'Europe méridionale, mais en tout cas, et parfois la victoire est coûteuse. La victoire est coûteuse. Hein, c'est une répression extraordinairement brutale en Égypte. Hein, c'est les militants de Tahrir sont souvent assassinés par le pouvoir quand ils sont pas en prison, etc. Donc, et par exemple l'Ukraine a été punie aussi par Poutine. Elle a été punie. On lui a piqué la Crimée et on lui fait la guerre. Qu'est-ce que cherche Poutine? C'est éviter un Maïdan en Russie, un mouvement populaire comme Maïdan en Russie. D'ailleurs, oui. Oui, juste une petite question. Les snipers de Maïdan, on ne sait pas d'où ils venaient. Et deuxième question, je ne pense pas que les gens qui étaient sur le Maïdan voulaient la guerre. Je ne pense pas que les gens qui étaient sur le Maïdan voulaient avoir les dirigeants qu'ils ont aujourd'hui. Oui, mais la guerre, pour la deuxième question, la guerre, c'est Poutine qui l'a lancée. Hein. C'est-à-dire, c'est une guerre, premièrement, par la prise de la Crimée par la force, hein, et une fausse consultation populaire pour la prise de la Crimée, et aussi une attaque brutale dans l'est de l'Ukraine. Alors, vous dites, les snipers, on ne sait pas qui c'est. Mais bien sûr qu'ils ne se sont pas déclarés qu'ils étaient. Hein, simplement, ils venaient du côté du pouvoir. Attendez, je vous réponds. Hein, ils venaient du côté du pouvoir, et selon toute probabilité, ils étaient russes. Et d'ailleurs, Yanukovych, il y a quelques mois, c'est-à-dire très longtemps après, a dit qu'il avait eu l'aide de la police secrète soviétique, russe, pardon. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mystère sur qui était qui a tiré sur les manifestants de Maïdan. Oui, très bien, et je reçois l'information. Simplement, la question était aussi, les gens du Maïdan n'ont pas les dirigeants qu'ils méritaient. Oui, En Espagne, Podemos n'a pas plus les militants qu'il méritait. En Égypte, les gens n'ont pas plus. Il y a peut-être qu'en Tunisie, où là, il y a véritablement une expérimentation de ces nouvelles formes démocratiques qui a conduit à une démocratie très intéressante, très nouvelle dans le monde arabe et musulman, puisque, je vous rappelle, il y a le préambule de la Constitution prévoit la liberté de conscience, ce qui est une chose totalement unique, etc. Alors, oui, ils n'ont pas les dirigeants qu'ils désiraient, mais c'était pas leur objectif. Alors là, il y a une question très importante par rapport aux objectifs du mouvement, qui sont à chaque fois des objectifs limités, c'est-à-dire dégage machin, dégage Ben Ali, dégage Yanukovych ou rien de en Turquie, ils ont préservé le parc Gezi, mais ils ont toujours Erdogan. Donc la question n'est pas là, mais c'est une question très importante, c'est le rapport de ces mouvements à au-delà de l'objectif qu'ils se fixent. Et là, ça devient problématique d'un seul coup. J'aimerais juste peut-être terminer, mais parce que je voudrais dire encore une autre chose avant de finir, puis d'ouvrir complètement la discussion. Ça. C'est que pour moi, aussi bien ce qui se passe ici en France, comme ça s'est passé en Espagne, etc., que ce qui s'est passé dans tous les pays dont j'ai parlé, hein, la Tunisie, l'Ukraine, l'Égypte, le Brésil, etc., c'est en fait une critique en acte de l'obligation qu'on avait, si vous voulez, au XXe siècle, de s'organiser pour lutter. On nous disait, les masses ont besoin d'organisation, les masses ont besoin de hiérarchie et de chefs, et c'est ce qu'on voit, tout le monde partageait, d'ailleurs, les élites du pouvoir, comme les élites du mouvement socialiste, partageaient cette idée qu'avait lancé Gustave Le Bon dans Psychologie des foules. Gustave Le Bon, c'était un polygraphe, etc. Et Psychologie des foules, ça a été cet ouvrage qui a eu un succès mondial quand il est sorti en 1895 et qui disait, en gros, par exemple, une phrase qui le résume bien, les hommes en foule ne sauraient se passer de maître. Mais ça, tout le monde l'a repris. Tout le monde l'a repris, tout le monde, aussi bien les entrepreneurs comme Louis Renault, un militaire qui n'était pas étranger à la politique comme De Gaulle, ou bien les fachos comme Hitler et Mussolini, ou bien même Lénine. Lénine, on voit très bien la lecture de Le Bon dans Que faire. Que faire, c'est 1902, c'est tout dans le même mouvement, dans la même période. Et Lénine dit, nous devons avoir une organisation de chefs, parce que sinon, si la foule, on laisse la foule aller de son propre mouvement, elle ira pas vers la révolution, elle ira vers des revendications économiques. Si on veut qu'elle aille vers la révolution, il faut des chefs. Et les mots étaient là, les mots pour le dire étaient là, dans le texte de Lénine. Et il me semble qu'on a vécu un siècle un peu, un siècle lebonien, un peu dans cette idée, les hommes en foule ne peuvent pas se passer de maître, ne peuvent pas se passer de chef ou de meneur. Et je pense que avec ces mouvements, donc qui ont passé une étape depuis 68, une nouvelle étape depuis 68, eh bien il me semble que là on est dans une nouvelle forme d'expérimentation démocratique. C'est celle qu'on fait ici, s'il y a une chance de que cette expérimentation de démocratie directe qui n'est pas la démocratie représentative, mais pas non plus la démocratie participative, qui est une autre forme de démocratie, qui fait tout passer par l'Assemblée, par des formes d'Assemblée que vous expérimentez et que vous connaissez, eh bien, il y a une chance qu'on connaisse une nouvelle vie démocratique beaucoup plus largement qu'en politique. C'est-à-dire que le substrat de cette volonté d'être sans chef, on le trouve dans la société. On le trouve dans la société, dans la vie associative, dans la vie de collectif. Si vous baladez en France même, il y a des dizaines et des dizaines d'expérimentations de vie, d'activités, d'actions, sans leader, etc. Et c'est ça qui forme la base de la possibilité d'une nouvelle forme. C'est pour ça qu'il faut voir ça dans une perspective prolongée. Et il y a même le fameux village de Saillant dans la Drôme qui a aboli le maire. Il a aboli le maire. Donc voilà, donc on est maintenant à l'âge des foules raisonnables, on n'est plus à l'âge des foules loboniennes qui ont besoin de chefs pour aller vers droit au but, et on a un nouvel âge de foules qui dans la délibération, savent s'orienter elles-mêmes. Voilà. Oui, ça marche. Alors, on va prendre des questions ou des remarques. Ouais, alors moi j'aimerais bien que tu reviennes sur ce qui s'est passé sur le Maïdan, parce que je travaille un peu sur l'Ukraine. Et il y a des reportages complètement ahurissants, type celui de Paul Moreira, ça a été un reportage diffusé sur Canal+, qui était assez aberrant. Et je voulais savoir, toi, la présence de groupes d'extrême droite, comme beaucoup semblent vouloir insister dessus, etc. La présence, donc, type Haïdar, Pravi Sektor ou Azov. Voilà, alors là, c'est la question, effectivement, que j'entends poser partout. C'est-à-dire que je l'ai entendu beaucoup ici, j'ai beaucoup entendu en Amérique latine, par exemple. Et à mon avis, là, on a affaire à la propagande de Poutine. C'est-à-dire que c'est dans la guerre que mène Poutine contre la démocratie, qu'il mène en Russie contre la démocratie, toute forme démocratique, démocratie représentative comme démocratie de la place, hein, et il y a eu des expériences de démocratie de la place en Russie, eh bien, il y a aussi une guerre de propagande. Il y a aussi une guerre et qu'il s'est très bien mené, puisqu'il vient du KGB, hein, il vient de... etc. Or, qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'a frappé, je n'étais pas à Maïdan pendant Maïdan. Hein. Je suis venu après parce que j'étais extrêmement surpris. J'ai voulu enquêter, donc j'ai rencontré des dizaines de personnes dans une enquête que de plusieurs semaines que j'ai faite sur place. Mais je n'étais pas là pendant les événements. Mais évidemment, cette question est très présente. Et effectivement, il y avait l'extrême droite Sur Maïdan, il y avait des groupes d'extrême droite. Alors, ce qui est très très frappant, c'est que... S'ils étaient sur la place, c'est aussi parce que cette place n'était pas une place de gauche. C'est pas une place de droite non plus. C'est ni une place de gauche, ni une place de droite, ni une place d'extrême gauche, ni une place d'extrême droite. C'était une place qui se réunissait parce qu'ils étaient choqués par le comportement du président qui voulait briser les relations avec l'Europe et renouer des relations avec la Russie qui étaient des relations de dépendance traditionnelle, etc. Donc c'était une place indigné contre des mesures présidentielles, etc. Donc c'était pour ça qu'ils se réunissaient. Et ce qui était frappant dans les récits que j'ai eus, c'est que la place a contenu les fascistes. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils n'étaient pas chassés, mais ils étaient contenus. Et dans ces milliers de discussions qu'il y a eu sur la place, dans ces milliers de choses, et même parfois dans des confrontations, je ne dis pas affrontements, dans des confrontations entre groupes d'autodéfense. C'est-à-dire que, évidemment, parce que là tu parlais du Pravi Sektor, il y avait des formations paramilitaires d'extrême droite, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les formations paramilitaires de Maïdan se sont formées dès le début de Maïdan et pas du tout par les gens d'extrême droite. Par des gens qui étaient des travailleurs sociaux ou d'autres choses, qui ont formé ce qu'ils appelaient des centuries, des sotni en ukrainien, des centuries d'autodéfense, en empruntant le terme aux cosaques, d'ailleurs à la tradition cosaque, mais il y avait des centuries de femmes, il y avait des centuries d'ailleurs de juifs. Et par exemple, il y avait même des gens d'extrême droite dans cette centurie de juifs. Et ils ont été interviewés par je ne sais qui. Ils ont demandé, mais comment ça se fait que vous êtes d'extrême droite et vous êtes dans cette centurie dirigée par un juif, etc. Ah oui, mais en fait, ils se débrouillent très très bien pour piloter ce truc-là. Vous voyez, donc, et il y avait aussi une centurie d'ailleurs non violente qui ne refusait de porter des armes, mais qui a été très efficace dans les affrontements violents, hein, la centurie non violente. Et il y a eu des confrontations très directes, hein, entre les centuries de la place et des centuries d'extrême droite. Une fois, il y a eu un chef d'une centurie d'extrême droite qui dit à une centurie de la place, il lui dit, mais allez retourner de où vous venez, vous, espèce de cul noir. Les culs noirs, c'est... C'est comme ça qu'on appelle les gens du Caucase, hein, en Russie, en Ukraine. Ils viennent, vous venez, espèce de cul noir. Et la réponse de la centurie, c'était, ok, mais d'où il venait le premier mort de la place de Maïdan? Eh bien, le premier mort de la place de Maïdan, c'était justement un cul noir, c'était justement un Caucasien, un Arménien, hein, qui avait été tué par les choses. Donc voilà, oui, l'extrême droite était là. D'ailleurs, comme elle était, c'est aussi une discussion qu'il y a à propos de la... d'Istanbul et à propos du Brésil, hein, l'extrême droite a répliqué quand le mouvement est devenu très fort. L'extrême droite a répliqué. L'extrême droite était là, mais elle était contenue. Et j'ai entendu ça, hein, dans la discussion qu'il y a eu après l'avenue de Sokal ici, par exemple. une réflexion très intéressante, c'est que nous sommes capables, nous, la place, de les contenir. En tant qu'individus, pourquoi ne serait-il pas sur la place? Mais du point de vue de leur politique, etc., c'est la place elle-même qui va régler leur sort, si vous voulez. C'est la place elle-même qui va régler leur compte. Parce que monsieur a déjà beaucoup parlé, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole avant de lui redonner la parole? Les centuries étaient censées se battre contre qui sur la place de Maïdan? Eh bien, elles étaient d'abord censées défendre la place. Hein. La place, il a fallu même la conquérir, hein, parce que la police était là, on peut dire, avant les manifestants. Donc, c'était de l'autodéfense, hein, et elles avaient leur tente, comme chaque région, chaque ville avait leur tente sur la place, elles avaient leur tente, et elles servaient, hein, d'avant-poste pour la place face à la police. Et c'est une question importante, parce que c'est une question qui renvoie à la place de la violence dans tous ces mouvements. Et... j'ai été frappé aussi, non seulement à Maïdan, mais au Brésil, que la violence était présente dans les mouvements et n'était pas non plus étrangère au mouvement. C'est-à-dire qu'au Brésil, il y avait plutôt des groupes genre Black Blocs, mais qui participaient aux manifs, finalement, comme les autres, et qui intervenaient ponctuellement à certains moments, alors, et dans l'idée de protéger les manifs. Alors parfois, ils allaient un petit peu plus loin que protéger, ils prenaient des initiatives, etc. Mais il y avait un échange très très intéressant d'intégration, disons, confrontationnelle avec le reste de la foule. C'est jamais très simple, hein, moi, les discussions, mais il y avait beaucoup de gens parmi... Et ça a été... Alors, l'autodéfense, elle était beaucoup plus naturelle sur la place de Maïdan. Hein, le fait de constituer des groupes d'autodéfense contre le pouvoir à Maïdan, ça a été tout de suite, hein, le premier jour. Voilà, bon, je ne sais pas à qui donner la parole. Oui, allô. Allez-y. Alors maintenant, fort de toutes vos recherches, vos enquêtes sur place, moi j'ai habité au Brésil. Je suis allé en URSS, sous Brejnev. Comment ? Sous Brejnev. Et en Amérique, sous Carter. Donc je médite ça depuis longtemps. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a tiré qui peut nous aider, nous, à Nuit Debout ? Nuit Debout. Nuit Debout. C'est-à-dire que ce que fait Nuit Debout, c'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, hein, en comparaison avec toutes ces expériences dont j'ai parlé, c'est que quelque chose de très neuf qui se fait ici, comme ça s'est fait dans beaucoup de ces pays dont j'ai parlé, pays d'Europe orientale, d'Europe du Sud ou d'autres continents, il y a une nouvelle forme d'expérimentation démocratique, une recherche de nouvelles légitimités démocratiques. C'est-à-dire l'idée de par la présence obstinée sur la place, par une présence vraiment obstinée, ça veut dire qui est capable de se confronter avec la police qui voudrait reprendre la place. Hein. Donc par une présence obstinée, mais aussi par une délibération publique, une délibération sous une forme d'égalité, et par l'adresse aussi au pouvoir, le fait de s'adresser directement au pouvoir sans passer par des représentations. Hein, la présence, ça se distingue de représentation. Eh bien là, je pense qu'il y a une force énorme. Une force, on peut la mesurer, cette force, hein, par la victoire des mouvements dont j'ai parlé. Hein, ils ont réussi à chasser les différents dirigeants. Et bien aussi par la riposte qu'il y a eu à la mesure de la force de ces mouvements. Les gouvernements détestent ça. Ils détestent des mouvements qui n'aient pas de tête, qui n'aient pas de représentants, qui n'aient pas de porte-parole. Les médias détestent ça aussi, vous le savez bien. Hein, vous êtes la place ne cesse pas de discuter sur la question des médias, parce qu'ils exigent des gens pour parler au nom de tout le monde. Et voilà, je pense que... À quoi ça peut servir? Ça peut servir comme une nouvelle forme d'expérimentation, à mettre en circulation dans le monde, exactement comme, le, comme l'idée de global debout, de, d'échange, etc. Nuit debout a bénéficié de l'expérience espagnole. Il y a des gens d'Espagne qui sont venus dire, très très vite hein, pour faire participer de leur expérience. Mais c'est le cas de tous ces mouvements. C'est, tous ces mouvements sont en connexion avec d'autres mouvements et ça circule et ça et je pense que c'est ça qui est extrêmement important, c'est de faire circuler les expériences et d'aller voir en personne. Hein, moi, je vous invite à aller voir en personne dans d'autres pays, aller voir ce qui se passe d'ailleurs dans d'autres régions aussi, mais aller voir en personne ce qui se passe dans d'autres pays, dans des expériences parfois difficiles à comprendre pour nous, mais ça vaut le coup. C'est la connexion ou la circulation, elle ne va pas se faire seulement par l'informatique, par Internet. Hein. Elle se fait aussi par la présence, par l'échange direct, etc. Et par les expériences qu'on peut faire sur place. Sur les places, d'ailleurs. Sur place. Sur les places, voilà. Ouais, non, je voulais juste parler par rapport à l'usage de la violence et la violence radicale, notamment comme ce qui s'est passé sur le Maïdan. Je pense, et un petit peu, c'est ce qu'on a vu au bout de 2 mois de mobilisation ici, il y a un phénomène aussi de radicalisation qui se fait, parce que les gens n'en peuvent plus de se prendre des bâtons dans la gueule, de se faire frapper. Sur le Maïdan, ça a explosé aussi parce qu'il y a eu une très très lourde répression pendant une manifestation, et au bout d'un moment, la population en a eu marre de se faire frapper dessus par les Tituchki ou les Berkouts, qui est la police anti-émeute. Et voilà, et là, c'est ce que je constate un petit peu, moi, au bout de 2 mois de mobilisation, c'est qu'il y a une radicalisation qui se fait parce que les gens supportent plus de se prendre des lacrymos dans la tête alors qu'ils avaient fait lancer un mouvement pacifiste à la base. Quoi. Je rien à ajouter. Je trouve ça tout à fait juste. Alors, ouais, bonjour. Et je voulais vous poser une question. Alors, très près. Quel est le rapport entre l'Amérique latine et la France par rapport à la violence, ouais. À tout ça voilà. Vous dites Brésil, ça va bien, il y a la démocratie, mais vraiment, c'est pas du tout comme ça. Voilà. Oui, moi, je suis péruvien. Oui, oui. Alors oui. Non, mettez-vous face à là. Oui, oui. Non, mais c'est le micro qui d'accord, déconne. D'accord, hein. Je suis péruvien. Je connais tous les pays de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et voilà. Et je vous dis, justement, là, vous vous trompez. Vous vous trompez dans le sens que vous dites que le Brésil, c'est la police. Ici, on a la chance de s'asseoir, que là-bas, c'est pas comme ça. La police, il vient. On se tire dessus. Voilà. Non. J'ai parlé d'un moment au Brésil, hein, d'un moment au Brésil qui était le moment de juin 2013. Hein. Je n'avais pas parlé de tout ce qui se passe au Brésil. Au moment de juin 2013, il y a eu une répression violente de la police, mais il n'y a pas eu de mort en juin 2013. Non. Il y a eu combien de morts en juin 2013 ? Combien ? Non, ben, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de mort en juin 2013. Ce ne sont pas des manifestations pacifiques. Et évidemment, si on considère la dynamique qu'il y a eu au Brésil, on peut arriver jusqu'à la situation actuelle, qui est une situation assez dramatique. À part ça, il y a eu aussi des choses assez voisines en Argentine, en 2002, par exemple. Des mouvements populaires en Argentine, qui étaient très, très largement populaires, avec aussi une forme de démocratie qui commençait à s'expérimenter un peu comme le font les places dont on a parlé. À part ça, je ne dis pas que c'est une forme généralisée, et on le sait bien. D'ailleurs, en France, il y a eu le mouvement des indignés, mais qui n'était pas du tout à l'échelle de ce que fait maintenant Nuit Debout. Donc les choses se transforment, les choses changent, les expériences circulent, et on peut espérer que dans d'autres pays d'Amérique latine, il y a des formes de démocratie comme ça. Mais ce n'est pas non plus évident. Et encore une fois, je mets l'accent sur la différence entre un mouvement comme le nôtre en ce moment, Nuit Debout, ici, qui ressemble bien aux indignados ou aux formes d'Occupy, la différence entre ces mouvements et des mouvements beaucoup plus ponctuels qui se réunissent pour un objectif extrêmement précis, mais qui ont les mêmes caractéristiques d'être sans leader et sans chef. Et là, ce sont des variétés d'expérimentation démocratique qui sont différentes selon les pays, mais qui ne touchent pas non plus tous les pays. Hein. Je peux dire aussi que Poutine a eu d'autant plus peur de Maïdan que ce genre de démonstration, ce genre de manifestation commençait à prendre forme après son élection de 2011. Hein, au début de 2012, il y a eu le mouvement de la place Balotnaya à Moscou, et qui commençait, et c'était très très très très, très neuf en Russie, qui commençait à prendre des formes d'égalitarisme, d'horizontalisme, etc. Et il y a des Russes qui sont allés à Maïdan, mais même je connais même des Russes qui se sont installés en Ukraine avec Maïdan, parce qu'ils se sentaient beaucoup plus mieux quoi, en Ukraine qu'en Russie, de ce point de vue-là. Quoi. Moi, je voulais poser une question sur ton intervention. J'ai l'impression que tu essaies d'éviter la question que le fait que la violence peut être aussi produite par les mouvements. Par le mouvement ? Oui. Je veux dire, tous ces mouvements dont tu as parlé, on produit aussi un type de violence particulier. Et j'ai l'impression que ça, tu n'en parles pas. Mais laquelle ? Mais dans tous les mouvements dont tu as parlé, tous les mouvements produisent aussi une forme de violence. Oui. Contre le système. Et ça, tu n'en parles pas. Tu parles de la violence que subit ce mouvement, mais pas ce qu'il produit. Oui, mais ces mouvements... Ça te dérange apparemment. Non, mais je... Attends, il faut s'entendre sur le terme de violence, parce que moi, la violence, je la considère comme étant une confrontation ou avec atteinte aux personnes. Hein, atteinte aux personnes, violence sur les personnes, etc. Ça, c'est ça la violence. Sinon, qu'un mouvement est une force et une puissance... Mais c'est la force de l'opinion qui se rassemble, dans l'égalité et dans le. Comment ? C'est quoi ? Qu'un mouvement soit pacifiste, oui. Ça n'empêche pas qu'il produit de la violence. Et il peut en produire très fortement. Mais laquelle ? Mais c'est justement. Regarde, tu parlais de tous les places dont tu as parlé, tu as bien parlé aussi. Les gens réagissaient, s'organisaient par exemple à Maïdan, ils s'organisaient en centurie. Donc, ils produisent de la violence. Ben, oui, j'en ai parlé. J'ai aucune crainte d'en parler. Simplement, le problème, c'est que ces mouvements, si, comme tu dis, ils produisent de la violence, c'est parce qu'en face, ils ont de la violence. Pas sûr. Ah ben non, mais à Maïdan, il n'y a pas de doute. Enfin, je veux dire que c'est... C'est un enchaînement. Je dirais que tout mouvement social est pacifiste par nature, ça me paraît absurde. J'ai jamais dit ça. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que tout. Mais alors là, je peux le dire que tous ces mouvements se sont mis en place de façon absolument pacifique et sans aucune intention d'être violent, c'est-à-dire d'attenter par la violence à la personne même de flic ou de pas flic d'ailleurs d'en face. Donc oui, ces mouvements ont une intention qui n'est pas une intention violente, qui est une intention simplement liée à ce qu'ils cherchent à obtenir, et qu'ils cherchent à obtenir dans cette critique des mouvements précédents, justement, où il y avait toujours un service d'ordre, ou alors une organisation clandestine qui était chargée de la violence, hein, c'était ça dans les partis communistes. Il y avait des organisations clandestines chargées de... Ou alors, moi, dans mon organisation maïdaniste, on avait une organisation clandestine aussi qui était chargée de la violence. Non, il ne s'agit pas ça dans ces mouvements, il s'agit, alors oui, de ne pas être étranger à la violence. Et je trouve que c'est très important de penser le rapport à la violence, dans une violence qui soit une violence intégrée dans un rapport très complexe avec le mouvement. C'est-à-dire que je l'ai vu au Brésil, j'ai vu les Black Blocs au Brésil, et les Black Blocs au Brésil font vraiment partie du mouvement. Les gens qui sont les Black Blocs sont issus du mouvement. Simplement, ils ont décidé, eux, que leur tâche serait d'agir par la violence au moment où il le faut, quand il le faut, quand ils l'auront décidé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus sous le gouvernement du mouvement dans son ensemble. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de penser l'autonomie, l'intégration, la différence, et en quoi il y a une relation très complexe entre une place qui n'est pas hostile à la violence. Les mouvements n'étaient pas hostiles par principe à la violence. C'était pas une hostilité à la violence par principe du tout. Mais entre une place qui n'est pas forcément hostile à la violence, mais dont ce n'est pas le problème, dont ce n'est pas le propos, donc ce n'est pas la tâche, et effectivement des membres, des participants du mouvement qui décident, eux, de se spécialiser dans une forme violente d'action. Et c'est ça qui, ça devient intéressant, et c'est différent dans chaque endroit. Hein, on a beaucoup parlé de Maïdan, mais c'était encore une fois au Brésil, c'est plutôt sous la forme Black Bloc. D'ailleurs, ils étaient en noir, ils étaient tout à fait en noir avec un masque noir, etc. Bon, mais ça peut être très différent dans d'autres lieux. Allô, bonjour. En fait, moi, sur la question du rejet, du leader, du chef, je m'interroge un peu parce que. Quelque part dans l'histoire, on a vu que c'était pas si nuisible que ça, quand on pense à Martin Luther King, à Gandhi, à Mandela. Donc, à mon sens, la question, c'est surtout quel est le leader en place? Est-ce qu'il incarne une exemplarité? Enfin, je veux dire, en France, par exemple, nos représentants, nos décideurs, en général, ils viennent quand même de milieux favorisés, ils font une bonne école, ils travaillent bien, et voilà, ils en viennent à acquérir du pouvoir. Donc très bien, ils ont bien travaillé et ils ont acquis du pouvoir, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont tout aussi légitimes, qui sont peut-être plus crédibles. Et ben voilà, je pense que c'est vraiment à Mandela, à Martin Luther King qui ont incarné vraiment des exemples cohérents avec leurs idées. Par exemple, est-ce que tu trouves sans idéaliser. France, non, mais est-ce que tu trouves qu'en France il manque un Mandela ou il manque un Martin Luther King? Je pense, oui. Ah, oui. Je pense qu'on a besoin d'inspiration, de quelqu'un qui a une vision. Et ça suffit pas, mais c'est quand même effectivement une part. Je pense, tu penses que le mouvement ne suffit pas pour construire cette vision dans sa propre discussion, dans sa propre dynamique. Après, oui. Est-ce qu'on a besoin est-ce qu'un leader est nécessaire? Je sais pas. Mais en tout cas, on a des exemples qui montrent que c'est pas si nuisible toujours. Je n'ai pas dit non plus que les leaders étaient toujours des catastrophes. J'ai dit simplement qu'on est dans une phase nouvelle de réflexion là-dessus. Et moi, je salue quand même le moment où on en est, où on ne peut plus dire non plus qu'il en faut. Hein, cette place, c'est défini comme ça, sur le fait, on va pas non plus voir des gens s'affirmer, affirmer leur identité, leur personne, leur narcissisme dans le fait d'être un chef du mouvement. Hein, donc, il y avait bien cette discussion-là. Ce qui est intéressant, c'est que cette discussion, elle est présente et que ce n'est plus évident. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord, j'ai une estime gigantesque pour Mandela, Martin Luther King, etc. Mais après tout, si d'autres mouvements se développent et peuvent se construire des orientations importantes sans des figures comme ça qui soient des personnalités qui l'incarnent, pourquoi pas? Et je pense que ces mouvements l'ont montré, hein, quand on entend des Espagnols parler du M15 et du 15e ou des suites des Indignados, quand on voit par exemple aussi au Brésil, par exemple, il y a des suites disons populaires du mouvement de juin 2013, par exemple, il y a eu un mouvement dans les écoles l'an dernier, dans les écoles de l'État de São Paulo, qui était un mouvement d'occupation des écoles, qui s'est répandu boum, comme un feu de broussaille, et il s'agissait d'empêcher le gouvernement de l'État de São Paulo de fermer des écoles pour des raisons de rationalisation, etc., budgétaire. Bon, et ben, par un mouvement absolument horizontal qui se réclamait même des journées de 68. Ils ont fait reculer le gouvernement. Il y a eu un autre mouvement des écoles maintenant. Je peux aussi vous raconter des tas de trucs sur l'Ukraine et la façon dont le Maïdan a beaucoup transformé le rapport civique, le rapport des gens à ce qu'ils sont dans la cité. Et il faut se rappeler que l'Ukraine était était un pays socialiste, hein, un pays du soviétique. Ils se sont payés les 70 ans de soviétisme, etc. Qui sont autant d'années de déresponsabilisation, hein, au profit de l'organisation, du pouvoir, des chefs, des dirigeants, etc. Eh bien, depuis Maïdan, on voit se développer des tas d'associations dans les quartiers qui prennent en main des tas d'aspects des vies des quartiers, aussi des associations de volontaires, justement, pour aller au front, par exemple, pour contribuer à la restauration des écoles dans les zones de front, et du coup aussi réparer le lien entre les ukrainophones et les russophones, quoi. On voit des tas de choses, d'initiatives qui viennent d'en bas, et qui sont une nouveauté totale. Donc vous voyez, donc c'est pas qu'il y a une hostilité de principe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de faire en sorte que voilà, que ça permette de réfléchir sur ce qu'on fait. Hein. Certaines mesures assez près du truc. Il marche par Bluetooth ou... Là, ça, oui. À propos de violence, je voulais rappeler que Martin Luther King, dans ses manifestations, il passait son temps à aller d'un bout à l'autre de la manif pour retirer les canifs. Pour retirer les canifs. Ah oui. Et toute forme d'armes. Ouais. Et que la botte secrète de cette affaire de non-violence, c'est que quand on décide d'arrêter tout le monde, c'est un peu le propre des hommes qui dirigent tout, ils décident, bon, bah, arrêter tout le monde. Le nouveau a arrêté 150 personnes, a amené 3 camions de CRS. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce que les prisons, elles sont pleines. Elles sont pleines, elles sont 3000, elles sont pleines. On prend d'autres personnes, et les prisons d'à côté, les peines. Et après, c'est plein. Donc, c'est plein, il faut faire des camps. Ah, c'est très juste, c'est très juste. Mais justement... Mais attends, juste une dernière chose. On est... Moi, je suis pas content d'une chose. Je suis pas content qu'il y ait des mecs qui cassent. Je le dis devant tout le monde. Moi, ça me fout les glandes que les mecs... Parce que les violences policières, elles existent. Mais les casseurs, ils prennent tout le temps d'actualité sur les chaînes de télé qu'on regarde plus. On ne voit qu'eux. On ne parle que d'eux. Ils ont cassé encore et encore 77 arrestations hier, dans toute la France, précisons. Ça fait beaucoup de manifestations et beaucoup d'arrestations. En fait, c'est pas beaucoup d'arrestations. On n'y comprend plus rien. On est dans les arrestations. Dans les casseurs, dans les ceux qui ont fait, et ils ont l'air cons, hein. Ceux qui ont fait, ceux qui ont attaqué le tonneau Kedjima, ils avaient l'air cons. Le mec, quand il sort de sa bagnole, le flic, j'ai vu ça. Le flic, il sort de sa bagnole, il part les coups, un coup, deux coups, trois coups. Il avait rangé son gun parce que il s'est dit, non, je peux pas tirer, c'est la rue. Et le mec, il attaquait le flic. Le mec qui attaquait le flic, il avait une espèce de barre, un tuyau. Il lui tapait dessus. On avait l'impression qu'il n'avait rien pour lui taper dessus au flic. Il était ridicule. Donc, la violence de Maïdan, les centuries, on peut comprendre qu'ils se sont formés parce que là, dans ce pays, il y avait un véritable gouvernement aux abois qui était prêt à faire ce qu'il pouvait pour empêcher toute forme d'agrandissement de la fête sur la place. Donc tout ça est bien compliqué, mais je reviens à Martin Luther King, non-violence absolue ou Gandhi. Ce sont les meilleurs pour... D'accord, mais je vais répondre. Merci beaucoup. Il y a deux choses sur lesquelles je veux répondre, ce qui vient d'être dit, sur le fait que dans certains mouvements, il suffit d'arrêter, on cherche à arrêter un certain nombre de gens, les mettre en prison pour que le mouvement s'arrête. Et là, justement, ce qui est intéressant dans ces mouvements des places, c'est justement que la capacité de délibération collective, qui est d'ailleurs pas forcément sur la place, qui peut être sur les blogs aussi, qui peut être sur les choses, fait en sorte que on n'est plus dans le modèle classique où on arrête trois meneurs et puis ça tout s'arrête. On est dans un autre modèle, hein. On est dans un autre modèle. Le mouvement, il s'arrête pas parce que quelques meneurs seraient arrêtés. Alors, l'autre question. La question des gens qui cassent, de ce qu'on appelle les casseurs. Premièrement, si les médias en parlent et en font leur une, c'est l'affaire des médias, d'abord. C'est parce que ça les intéresse de parler de choses particulièrement savoureuses, comme justement des actes violents, etc. Mais C'est aussi, je pense, c'est aussi l'affaire de la place elle-même, c'est-à-dire de Nuit Debout elle-même. C'est la, quelle est la forme de discussion de Nuit Debout sur la violence et la discussion de Nuit Debout avec ceux qui ont envie de se spécialiser dans le bruit de vitrine, dans l'attaque à la police, etc. Et c'est valable. Bon, voilà. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que dans la plupart de ces mouvements des places, la violence vient du mouvement lui-même, mais dans un rapport avec le mouvement, un mouvement qui ne cherche pas forcément cette violence, mais qui, de toute façon, est obligé d'une certaine manière de la gérer. Et là, ça se pose là, c'est dans la qualité du dialogue de la place même sur cette question-là. Hein, ou des places même, hein, ça peut être. Voilà. Moi, c'est la question, mais j'avoue que je viens à Nuit Debout assez régulièrement depuis le début, mais j'ai pas assisté à des discussions, participé non plus. J'ai pas entendu des discussions sur la violence, donc je ne sais pas. Oui, il y en a eu. Voilà, c'est ça. Il y en a eu. Donc, cette question que vous soulevez, elle dépend de ça. Elle dépend de ces discussions et de la manière dont elles sont menées, et de qui y participe, etc. Bonjour. Alors, je suis là depuis pas longtemps, mais vous parlez d'un mouvement non violent, mais le mot que j'ai le plus entendu, c'était la violence. Du coup, pour passer un peu plus dans le côté positif, je voulais vous demander. Je voulais vous demander quel est le rêve que vous avez eu, ou que vous avez, ou que vous espérez pour ce mouvement. Qu'est-ce que vous. Que avec des termes positifs, s'il vous plaît, parce qu'en fait, pour moi, les mots ont de l'importance. Il faut en faire un bon usage. Et s'il vous plaît, ne parlez pas de violence. Et je voulais aussi réagir par rapport à ce qu'un monsieur avait dit de Martin Luther King et de Nelson Mandela. Et j'ai une phrase qui dit que quand l'élève est prêt, le maître se pointe. Le maître se pointe. Se montre. Ah, se montre. Oui. Et je pense que le jour où il n'y aura pas ce vide là au milieu entre le groupe là-bas et le groupe ici, on ne se posera plus la question de où est Nelson Mandela, où est le nouveau Martin Luther King, où sont les convictions, où est l'inspiration. Parce que je pense qu'on est tous dans la même situation et on s'exprime sur d'autres sujets, mais on est tous pareils. Voilà. Merci infiniment, c'est une magnifique question, une magnifique intervention. Et d'ailleurs, j'aurai la même réponse pour les deux aspects. C'est-à-dire que j'ai beaucoup fait des réflexions historiques, mais je voudrais faire une réflexion anthropologique, comme on dit. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien d'un bouquin qui a été un bouquin extrêmement important dans les années 68, justement, qui est le bouquin d'un anthropologue qui s'appelait Pierre Clastre, et qui est mort très jeune. Et son livre s'appelait « La société... » contre l'État. Et il parlait des peuples anciens, des peuples lointains, et de leur capacité de travailler pour éviter la formation d'un État et la formation donc d'une domination et d'une domination violente. Et la capacité des groupes d'empêcher la formation d'un État. Alors, c'était pas non plus forcément contre le chef, mais c'était l'idée de chef qui pouvait être pour une tâche bien délimitée, provisoire, révocable, etc. Mais le chef le plus dangereux, évidemment, c'est le chef militaire. C'est celui-là qu'il fallait empêcher de se pérenniser et de devenir l'État. Donc ça, c'était quelque chose de très intéressant parce que la société travaillait à éviter ça. Et il y a d'autres gens, d'autres anthropologues qui ont montré qu'il y a beaucoup de peuples aujourd'hui comme les Inuits ou comme des peuples en Asie du Sud-Est, etc., qui ont la même chose, de se battre là-dessus pour empêcher l'autorité, la violence, pas l'autorité forcément, mais la violence de l'État de s'implanter. Et le rêve que j'ai, c'est de voir ces mouvements des places, effectivement, regagner là-dessus sur des siècles et des siècles de culture de la hiérarchie, de culture de la verticalité, de culture du chef qui s'y croit, quoi, qui de des gens qui s'imposent comme chef, et de réinventer une nouvelle culture, par exemple sur l'égalité. Moi, je pense que ces mouvements montrent une recherche d'une nouvelle forme d'égalité. là aussi de ce qu'était l'égalité de la Révolution française. Parce que la Révolution française a reposé la question de l'égalité, mais à travers, par exemple, l'égalité des droits, hein, la Déclaration universelle des droits. Et moi, je pense que ces mouvements, comme, pas simplement quand ils sont sur la place, mais dans les associations, dans les collectifs, etc., eh bien, ces mouvements cherchent une sorte d'égalité qui soit une égalité qui n'est rien de hiérarchique. L'égalité des droits de la Révolution française préservait la possibilité des hiérarchies, et il y a eu aussi bien des hiérarchies politiques que des hiérarchies industrielles, etc., etc. Et je pense que dans ce qui se travaille entre nous, là, sur les places, dans l'expérimentation plus ou moins nombreuse, hein, eh bien, c'est quelque chose d'autre. C'est un peu, peut-être grâce à l'échec de la Révolution au siècle dernier, on peut reparler de ça. On est de l'horizontalité, de la coopération, de l'égalité. Voilà, ça serait un peu mon rêve. Mais évidemment, ça ne se fait pas en un jour. Et c'est tout un travail, un processus qui... Voilà. Alors, il est déjà 16h, du coup, on va prendre les dernières interventions et on va vous laisser conclure. Bonjour à tous. Je suis un peu gêné, donc je vais parler, mais je vais regarder le sol. En fait, c'est pour rebondir sur la question de la violence. Sur la question de la violence. En fait, j'ai l'impression que pour chaque cause, de toute façon, depuis le début, on voit qu'il y a un mal pour un bien. Ce mal, il se définit soit par la violence physique, économique, parce qu'il y a des gens qui perdent sûrement leur travail pour leur conviction, pour pouvoir manifester, ou même la personne qui a parlé tout à l'heure, qui a perdu son travail, j'ai entendu. J'ai peur que ça soit partout pareil et que... Je sais que ça ne plaît pas à la personne tout à l'heure qui parlait de pacifiste, mais quand on parle, je dis le mal pour un bien, ce mal, il est aussi choisi par... par la personne qui est peut-être adverse aussi à nos convictions. C'est-à-dire que si on nous laisse pas... Si la violence est le seul choix ou la seule manière qu'on... Parce que si discuter... Si les discussions sont pas proposées, si mourir par terre sans rien faire en étant pacifiste, ça ne marche pas. Enfin, j'aimerais juste avoir la réponse, la meilleure réponse en fait. La meilleure réponse pour avoir. J'aimerais demander au gouvernement la meilleure manière de pouvoir leur faire changer leur loi ou quoi que ce soit pour chacun, pour n'importe quel pays que ce soit. Parce que il y a aussi quelque chose tout à l'heure, je vais vite redonner le micro. Il y a aussi tout à l'heure quand vous avez parlé des révolutions arabes et il y a eu presque une comparaison qui est incomparable à ici, parce qu'on peut pas dire que voilà, c'est la révolution arabe aujourd'hui. Et la violence est encore même pas la même, hein, en plus. Mais à notre échelle, il faut se battre. Et voilà, si on nous laisse le choix de la discussion, faut la prendre. Si le choix du pacifisme, c'est le bon, il faut le prendre. Maintenant, il y a toujours la question du dernier recours. Et ça, c'est le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on nous donne que celle-là et pas d'autres moyens, que les voix qui doivent se faire entendre sont fait en sorte d'être, comme vous méritez sûrement d'être entendu par plus de gens peut-être et par des gens importants peut-être même, je sais pas, désolé hein, si je vous ai fait chier. Je vais y aller de toute façon hein, je vous dis au revoir maintenant. Il y a peut-être quelqu'un d'autre avant que je... Parce que on va prendre les dernières interventions, donc si quelqu'un veut intervenir, lever la main serait pas mal. Merci beaucoup ces remarques très intéressantes. Moi, je pense que je suis frappé de cette... parce que dans mon topo, par exemple, de 20 minutes, hein, j'ai fait un topo de 20 minutes au départ, j'ai pas parlé de la violence. Et la violence est venue dans la discussion, en fin de compte. Et donc, ça me frappe, parce que ça veut dire que... et par exemple, il y a eu très peu de questions sur l'expérimentation démocratique, sur ce qui se passe dans l'Assemblée, sur ce qui se passe dans les commissions, qui sont aussi des choses de la place, ou des décisions que fait la place d'aller réclamer devant l'immeuble du MEDEF la séparation du MEDEF et de l'État. Il y a une capacité d'agir de la place. Ce n'est pas une place qui ne fait que discuter, même si une place comme celle-ci n'est pas faite pour gouverner, ou pour c'est pas son propos. Mais j'étais frappé du coup du nombre de questions effectivement sur la violence. Mais ça veut dire que, effectivement, comme disait un des intervenants, peut-être qu'effectivement il y a un moment de plus forte tension qui met cette question de la violence et la présence de la violence de façon plus grande. Mais je trouve ça un peu dommageable. Je pense qu'il faut aussi soumettre la violence à la capacité démocratique de ces places, à cette nouvelle forme d'expérimentation démocratique. Il faut les mettre au pied de la place, si on peut le dire. Il faut mettre la violence au pied du, non pas au pied du mur, mais au pied de la place. Voilà. Alors, pour la prochaine intervention, on va accueillir Victor et Armel. Est-ce qu'ils sont présents ? Victor et Armel ? Non ? Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Yves, pour ton intervention. C'est cool. Avant qu'on les accueille, du coup, même si je ne sais pas s'ils sont encore arrivés, je vous rappelle qu'on a une boîte à questions où vous pouvez poser toutes vos questions et on y répond tous ensemble le samedi à 16h, pendant une heure, en fait, sans intervenant. Je vous rappelle aussi que si vous voulez venir nous aider, participer à l'éducation populaire, pour la modération ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus. C'est une super expérience. Voilà. Bon, on va attendre Armel. Récréation, alors, en attendant. En attendant la prochaine intervention, je vous annonce que demain, on sera là à partir de 10h, exceptionnellement, puisqu'il y a on fait une journée thématique sur l'éducation populaire. Donc à partir de 10h et jusqu'à 16h, je crois, il y a plein de gens qui viendront parler avec nous de l'éducation populaire, des gens qui travaillent l'éducation populaire déjà dans toute l'île de France. Et donc ils viendront en discuter, témoigner, réfléchir à sous quelle forme on peut la faire, et voilà. Oui, et du coup, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde et venez en discuter avec nous. Toute la journée de demain, donc à partir de 10h sur la place. Donc je vous rappelle qu'on attend Armel et Victor, s'ils sont présents. Montrez-vous.